Brother. Bon matin. Bon matin. Alors, on va voir François Charron peut-être tantôt. Bonjour Anouk, à la météo, qu'est-ce qu'on a ce matin? Désolé pour le gag aux deux auditeurs qui se sont joints à nous. Je vous souhaite d'abord la bienvenue aux amateurs de Marc Bonsoir, qui est un show de lignes ouvertes et de questions-réponses à propos du monde Apple. Voici mes co-animateurs. Je suis en compagnie de Bernard à ma gauche, droite. À ta gauche, mettons. Voilà. Ouais. Et Bernard Ouellette et Jean-François Roy qui sont avec nous, qui sont des irréductibles. On travaille tous demain. Et comme des cons, on est restés à minuit et demi. 7 heures demain matin. Oh, excellent. Fait qu'il faut... ça ne me dérange pas, moi. Ça me dérange pas, moi. C'est bon. Non plus. Je pense qu'on t'entend en double, GF, mais je ne saurais pas pourquoi. Est-ce que ça... c'est bon. OK. Vous pouvez, juste au coin là-bas, il y a une petite ampoule. Et si vous avez des questions à poser, vous pouvez aller dans le module de questions et on va essayer d'y répondre on the fly. Et évidemment, on est vraiment en retard, là, le show est normalement supposé être à 10 heures. On a eu un show plus long que prévu pour le podcast Mac Québec avec notre invité Frank De Tank, qu'on remercie beaucoup, qui va probablement se faire péter la gueule par sa copine. Parce qu'il n'était pas là à temps. On le remercie encore beaucoup d'avoir donné ses dernières heures de vie au podcast Mac Québec. Aujourd'hui, on a un show plutôt court, puis ça donne bien parce qu'on veut aller se coucher. Vous allez bien, les gars? Passez une bonne semaine? Ah, ça va super bien. Oui, ça va super bien, oui. Excellent. Toi, ça va bien? Moi, ça va bien. On a eu un petit épisode aujourd'hui, puis je veux en parler parce que je veux que ce soit bien clair pour tout le monde. La plateforme qu'on utilise majoritairement pour recueillir les questions, c'est Mac Québec Entraide sur le site de Mac Québec. Je veux apporter la situation parce qu'on est c'est une discussion au sens plus large. Qu'il y a en ce moment dans les médias au Québec. Et puis, tout le monde en a un peu parlé à son sens. Donc, je vous explique un petit peu. Aujourd'hui, il y a eu la plateforme Mac Québec, ce sont des gens qui posent des questions et des gens qui y répondent. C'est un forum à proprement parler avec des gens qu'on peut suivre, qu'on peut arrêter de suivre avec une petite touche de médias sociaux. C'est une plateforme qui est très, très intéressante. Moi, j'y suis. J'essaie d'y répondre le plus professionnellement possible. Puis les gens qui sont bénévoles pour Mac Québec essaient de le faire. Il faut bien comprendre que Mac Québec est une plateforme laboratoire qui accueille tout le monde qui veut bien y investir du temps et que ces gens-là qui ont des choses à apprendre, par exemple Vincent, qui veut utiliser ses talents de programmeur pour faire des applications, puisse se pratiquer et pouvoir offrir un produit qui va vraiment servir à des gens. Aujourd'hui, il y a eu quelqu'un qui a posé une question sur le podcast, pas sur le podcast, mais sur le Mac Québec Entraide. Je ne nommerai pas son nom. La réponse qu'il a eue en premier était une réponse un petit peu peut-être nonchalante, un petit peu qui répondait pas nécessairement à sa question, comme on peut avoir sur n'importe quel forum depuis de nombreuses années. Les gens, il y a des flame wars qui se créent un peu partout sur les forums. Et la personne, en fait, qui a donné la réponse est aussi, en fait, un administrateur qui peut prendre des décisions sur le forum. La personne qui a reçu la réponse n'a pas nécessairement apprécié. Il y a peut-être eu l'expression, là, c'est perte dans la dans la traduction ou Lost in Translation. Donc, il y a peut-être eu une mauvaise communication entre les deux. Bref, la personne qui a eu la réponse s'est retrouvée à pas apprécier et est venue sur la page Facebook de Mac Québec pour tenir des propos qui, pour ma part, que je considère racistes. On a tenu des propos parce que dans Mac Québec Entraide, on a, si on veut bien la mettre, on a notre photo. Donc, les gens sont capables de nous voir selon notre avatar. Et donc la personne qui a donné la réponse, s'est fait un peu rabrouer de façon raciste, je le dirais. Et je pense que c'est quelque chose qu'elle ne méritait pas. La réponse était peut-être un peu nonchalante, mais ça ne méritait pas ce genre de discours-là. Donc, on a enlevé les messages dans un premier temps, et c'est tout à fait normal, je pense. On est dans un environnement où on cherche le respect. Nous, on est là. C'est pas, c'est pas pour. Comment je pourrais expliquer ça? Tu sais, on le fait de bonne grâce. On a la passion des produits, de répondre aux questions au sens large. Et en ce moment, au Québec, il y a toute une discussion du côté intimidation et tout ça. Puis je pense que quand on voit quelque chose qui est injuste ou qui ne devrait pas être, il peut y avoir des frictions entre des gens de temps en temps, mais quand ça va au stade où je vous parle en ce moment, c'est-à-dire des termes qui sont très, très durs et qui ont été lancés à quelqu'un qui n'a pas nécessairement l'expérience de vie nécessaire pour pouvoir les supporter, pour pouvoir les encaisser en tant que tel, on se doit de dire quelque chose, et c'est pour ça que j'en parle actuellement. C'est quand même plutôt délicat, dans le sens où la personne qui a tenu les propos considère même pas que ce sont des propos racistes, mais ça l'est clairement. J'en ai eu la confirmation avec d'autres gens qui ont eu le temps de répondre au thread. C'est comme je l'explique, en fait, ce sont des propos racistes qui ont été tenus envers quelqu'un qui n'a pas l'expérience de vie, comme je le disais, nécessaire pour encaisser ça. Et c'est quelque chose auquel... Puis je pense que mes collègues, je ne les ai pas briefés avant, là, c'est vraiment un statement que je fais, mais je pense qu'ils seront tout à fait d'accord avec moi que c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter, qui est inacceptable et qu'on se doit de dénoncer. Donc, je voulais juste en faire mention. La personne qui a répondu à la question, qui est un de nos collaborateurs, fait, selon moi, un excellent travail. C'est quelqu'un qui est en apprentissage on a tous le droit à l'erreur, mais je pense qu'on a aussi le droit à un certain respect. Et comme je le dis souvent, j'ai deux enfants et j'essaie de leur inculquer des bonnes valeurs. Des bonnes valeurs, et la peur de l'autre ne fait pas partie des valeurs que je veux inculquer à mes enfants. Puis je vous invite à dénoncer ce genre de comportement-là quand vous le voyez. Je pense qu'il n'y a pas de honte à avoir. Souvent, on a tendance à circuler de ce genre de conflit-là parce qu'on ne sait pas, on ne veut pas faire de la peine à un ou à l'autre. Mais, je connais, Je peux pas supporter ce genre de choses-là. Donc, je voulais juste en tenir un mot à l'entrée du podcast, comme ça. Avez-vous quelque chose à rajouter en restant dans l'anonyme, là? Tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit, tous tes propos. L'intimidation, la discrimination, telle qu'elle soit, que ce soit en personne, en direct, dans une cour d'école, dans la rue ou sur Internet, c'est complètement intolérable. Ouais. Puis c'est des comportements qu'il faut vraiment dénoncer et à éviter, bien sûr, là, sur Internet. Le mot, c'est vraiment dénoncer, là. Fait que... Voilà, donc c'est fait. Et puis, on va faire, nous, un suivi là-dessus. Vous en entendrez probablement plus parler, on espère. Je voulais quand même vous entretenir. Maintenant, si on commence avec les questions de la semaine, avez-vous eu le temps de regarder un peu les questions? Avez-vous des réponses pour quelques-unes d'entre elles? Je vais regarder un petit peu rapido. Ben, pour la première question, c'est... on n'a pas le nom de la personne qui a posé la question, mais juste la personne. Okay. C'est pourquoi que mon AirPort affiche la lumière orangée clignotante alors que mon réseau fonctionne bien? Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être c'est probablement que la personne a un AirPort Express ou un Time Capsule. Est-ce que c'était ça, Alexis? Parce que j'ai pas vu. Moi, j'ai un extrême, puis il y a aussi le code de lumière orange. C'est quand il y a un problème au niveau de configuration, généralement. Mm. Donc, il faut aller dans le Airport Utility pour aller voir qu'est-ce que notre routeur nous dit, là, qu'est-ce que notre Airport nous dit comme problème. Moi, je mettrais mon argent, en fait. En fait, c'est n'importe quel message que le routeur veut te passer, il va le faire passer par ce clignotant-là. Et moi, je mettrais mon argent sur la mise à jour qu'il y a eu dernièrement. Donc, peut-être que dans les premiers jours, il s'en est pas rendu compte, mais il y a la 7.6 pour les AirPort Extreme et les Time Capsule de dernière génération, mm-hmm. d'avant-dernière, de génération 2 à... Même la 1. Donc, c'est la mise à jour. Donc, chaque fois que votre AirPort Extreme veut vous avertir de quelque chose, elle va passer par ce clignotant-là, à moins que vous ayez changé le comportement du clignotant. C'est possible de le faire dans la borne, dans le AirPort. Mais ça veut dire, donc, quand vous ouvrez AirPort Utilities, vous sélectionnez votre borne, vous retrouvez, vous faites, je pense que c'est configuration manuelle, plutôt que de passer par le wizard. Et là, vous allez avoir, en fait, une espèce de listing, d'index de votre base, donc son nom, des trucs comme ça. Et vous allez avoir une ligne avec une petite pastille orange sur le côté. Et quand vous cliquez dessus, vous allez être amené à la fenêtre de rapport d'erreur. Et puis, on va vous dire là qu'est-ce qu'il y en a exactement. Souvent, en fait, ce clignotement-là va être affiché parce que vous avez ouvert... Il y a une option, en fait, de pouvoir contrôler la borne par le WAN. Si quelqu'un veut faire des changements de l'extérieur, par exemple, un technicien à l'externe qui voudrait éditer les changements de la borne. Souvent, il va vous le mettre à l'orange. Vous pouvez faire ignorer. Par exemple, vous rentrez vos informations MobileMe puis que ces informations-là ne réussissent plus à se connecter au serveur, la lumière va devenir orange. Si vous avez connecté un routeur sur un autre routeur et que vous êtes en situation de ce qu'on appelle double NAT, c'est-à-dire plutôt que d'avoir mis le routeur en bridge pour qu'il reçoive son adresse IP, mais qu'il n'en redonne pas, il en redonne pas une autre, à ce moment-là, on va vous avertir aussi. JF? Oui, c'est ça que j'ai hâte de voir aussi, parce qu'en parlant de MobileMe que tu as dit, parce que parce que tu peux rentrer ton compte MobileMe dans le Port Extreme ou la Time Capsule, j'ai bien hâte de voir quand ils vont arrêter le MobileMe. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce onglet-là? Parce que je pense pas que Back to My Mac va fonctionner avec le MobileMe. Je pense qu'il va fonctionner avec iCloud. Fait que je sais pas s'ils vont changer l'interface de l'onglet MobileMe, là. J'ai hâte de voir. D'après moi, ils vont peut-être probablement rajouter des services à ce niveau-là, mais c'est juste une histoire de s'assurer en fait qu'il y ait un compte. Un compte Apple ID, parce qu'un MobileMe, c'est un Apple ID. Et en fait, je pense que c'est juste une façon pour Apple de s'assurer que c'est un Apple ID qui est rentré et que ce Apple ID-là a accès à leur serveur. Si tu mettais une toute autre adresse ou ton Apple ID à toi puis qu'il y a des problèmes avec Gmail, ben ça pourrait t'occasionner des problèmes à rejoindre ta base de l'extérieur. Mais si c'est sur le serveur de Apple, puis que soit il y a un problème avec MobileMe, soit qu'il y a un problème avec le réseau en tant que tel ou le serveur en tant que tel, ben c'est la même compagnie. Fait que c'est normal qu'eux veuillent l'offrir de cette façon-là. Donc, j'espère que ça répond à votre question. On n'a malheureusement pas pris les noms cette semaine. C'est une excellente question. Et de toute façon, on nous dit que Daniel Labelle avait répondu à cette question-là. Mm. Deuxième question? La deuxième question, c'est « Pourquoi est-ce que j'obtiens l'écran de Kernel Panic sur mon Mac? » C'est un iMac, premièrement, qui était marqué sur le forum de MacEntraide, MacQuébec Entraide. Alexis a répondu, mais on va recommencer. La personne a réinstallé son système d'exploitation. On lui suggérait, en fait, de réinstaller. On lui suggérait, mais un kernel panic, là, c'est bien rare que c'est le système d'exploitation qui fait faire ça. Là. C'est vraiment matériel, mais vraiment matériel. Là. Habituellement, puis quand on fouille un peu, en fait, la raison principale d'un kernel panic vient de la mémoire vive. Ouais. Surtout quand on a l'impression que ce kernel panic-là vient à des moments complètement aléatoires. Donc, Frank, s'il était encore là, il pourrait nous expliquer un petit peu mieux probablement comment fonctionne la mémoire, mais il y a un adressage qui est fait. Vous avez un 8 GB de mémoire. D'après moi, il y a une place sur la mémoire vive qui est défectueuse. Mettons, on va dire sur un 8 GB de mémoire, ben c'est au troisième GB, par exemple. Donc, il faut que vous montiez de l'information dans la barrette de mémoire jusqu'à saturer pour 3 GB avant qu'on accroche cette adresse-là, cet endroit-là sur la mémoire et que là, ça puisse causer le kernel panic, qui est en fait une espèce de rideau foncé qui descend sur votre image. Et en plein milieu, vous avez un rectangle avec un symbole à l'intérieur. C'est le symbole d'ouverture, en fait, de bouton power de votre ordinateur, de bouton d'ouverture de votre ordinateur. Et vous avez un message qui vous dit simplement de redémarrer en plusieurs langues. Mmh. Donc, ça peut arriver peut-être... Il y a des fois, ça arrive une fois dans la vie d'un ordinateur pour certaines raisons. Ça peut être pour une raison logicielle. Mais habituellement, quand ça se passe pour plusieurs fois et que c'est à des moments aléatoires, comme je l'ai dit, c'est la mémoire. Et la façon de faire dans un cas comme ça, c'est de d'abord tester une barrette et puis l'autre, c'est-à-dire en enlevant une des deux barrettes. Et puis si le problème revient, on va enlever la barrette dans l'appareil et remettre la première qu'on a déjà enlevée. Si le problème revient, à ce moment-là, ce que je suggérerais de faire pour être sûr, ce serait de réitérer l'expérience, mais dans la seconde entrée. Donc, il y a toujours au minimum là, deux entrées mémoire dans l'ordinateur. Ce serait de réitérer l'expérience sur la deuxième entrée mémoire. Si le problème est réglé avec le premier round d'expérience, ça veut dire que le problème vient des deux barrettes de mémoire. Évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire que c'est celle qui n'était pas dans l'ordinateur au moment où ça s'est pas passé. Ah oui? Hein? Ah. Et si c'est au deuxième round que le problème semble avoir disparu, à ce moment-là, ça voudrait dire que c'est un problème avec le connecteur mémoire sur la carte mère. Donc, si vous êtes sous garantie Apple, comme c'était le cas avec notre ami qui posait la question, à ce moment-là, on peut aller au Apple Store, expliquer la procédure qu'on a suivie et on va vous changer à ce moment-là votre carte mère. La personne expliquait aussi dans son truc que il avait besoin de son ordinateur pour payer ses comptes et qu'il n'avait pas probablement travaillé comme un peu tout le monde et il n'avait pas le temps d'aller à Apple Store. Je pense que c'est le cas de tout le monde. C'est la phrase que j'ai probablement entendue le plus dans ma vie de commis informatique. Oui, mais je ne peux pas laisser ça là. Pourquoi? Mais c'est parce que ton ordinateur ne fonctionne pas. Donc, si c'est ton outil de travail, autant le faire réparer le plus vite possible. Sinon, je peux dire n'importe quoi, mais si c'est un problème qui est récurrent, bon, tout ça, d'abord, il y a moyen de louer un appareil. Il y a des compagnies à Montréal qui le font, de la location d'appareils. Donc, ça peut peut-être être un palliatif en attendant. Sinon, maintenant, on a de plus en plus d'appareils comme un iPhone, iPad, tout ça. Ça peut peut-être remplir certaines fonctions pendant un certain temps. Et les réparations, en fait, sont habituellement assez rapides. Très vite. Donc, au Apple Store, par expérience, moi, en fait, ils ont plus de difficultés à vous rejoindre une fois que la réparation est terminée. Moi, c'est entre 3 et 5 jours ouvrables que j'ai vu. Et puis, à l'établissement où je travaillais à l'époque, c'était aussi autour de 5 jours. Puis, des fois, le technicien faisait des petits miracles et c'était en 3 jours. Donc, ça prend vraiment plus de temps que ça. Puis, souvent, quand on va à Apple Store, il va vous dire « j'ai la pièce en stock, donc il n'y a pas de problème ». Fait que s'il y a la pièce en stock, vous êtes sûr que la réparation va être faite à l'intérieur d'une semaine, de 5 jours ouvrables. S'il n'a pas la pièce en stock, à ce moment-là, peut-être prendre un arrangement avec eux pour que vous gardiez votre appareil, la pièce soit commandée, elle est reçue, on vous appelle, passez en boutique, on va la changer, vous laissez votre appareil. Et là, encore une fois, en 3 jours ouvrables, on devrait avoir fait la réparation. Si je peux rajouter quelque chose, moi, je reçois des fois des kernel panic. C'est dû à des drivers, des pilotes d'appareils qui sont faits plus pour PC, mais qui ont fait des pilotes Mac, mais première génération, ou qui n'ont pas updaté avec les derniers systèmes d'exploitation. Ça reste des vieilles versions de ces drivers-là. Bien souvent, pas tout à fait compatible avec le dernier système d'exploitation. Et ça va crasher. Par exemple, moi, j'ai un enregistreur numérique Zoom R16 qui fait ça. Des fois, il va me planter en pleine face, mais des fois, ça va super bien. Il y a des traps qu'on appelle, il y a des choses qui fait que il y a une panique qui se crée au niveau du système, puis ça crache. Ce soir, ça l'a crashé. Pas nécessairement toujours vu des kernels panique. Mais des fois, ton petit curseur va tourner dans le beurre pendant un nombre de temps. En arrière, il y a un kernel panic bien souvent qui est là-dessus. Mm. On peut aller voir dans les utilitaires le logiciel console. Et dans console, on peut voir les logs système qui nous donnent aussi un diagnostic. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a crashé? Si on est capable de revenir dans notre Mac là, après un crash, on peut aller voir aussi à l'intérieur de ces logs-là, si on a des indices qui pourraient nous dire quel est le fautif là-dedans. Bien souvent, ça peut être justement une barre de mémoire défectueuse ou, comme disait bon Alexis, toutes sortes de problèmes là, que je ne veux pas réénumérer, mais aussi un appareil tiers qui fait planter notre Mac. Souvent, dans la console, ce qu'on va voir, c'est que c'est le port USB ou le port FireWire qui aurait crashé. Donc, ça nous donnerait un indice sur l'appareil qui a causé le problème à l'extérieur. Ouais. On passe à la prochaine question. Est-ce qu'un adaptateur USB peut fonctionner avec les produits Apple? C'est au début de l'émission, je vous parlais d'une question qui avait été posée. C'est celle-là, on va y répondre. En fait, un adapteur USB, ça peut être n'importe quoi. Donc, le terme adapteur USB, c'est quelque chose qu'on va brancher dans l'ordinateur puis qui va adapter pour d'autres choses. Donc, soit, par exemple, pour avoir un port RS-232, soit pour avoir peut-être un vieux port parallèle si on en aurait besoin. En fait, si c'est pas ça, ben la personne saura nous aiguiller. Mais il y a différents ports USB. Puis le terme USB, là, c'est pour Universal Serial Bus. Okay? Donc, il n'y a pas que Apple qui fait des adapteurs USB. Il y a beaucoup de compagnies. Bernard en teste quelques dizaines par jour. donc, un adapteur USB, oui, ça peut fonctionner avec les produits Apple. Maintenant, c'est une question sur laquelle on devrait avoir un petit peu plus d'informations pour pouvoir y répondre plus efficacement. L'autre question, GF? Oui, on va prendre la question de... celle-là, j'ai le nom. On va prendre... c'est Jonathan Pillon qui a demandé sur le Twitter de MacQuébec son iPhone 4S plante à l'appareil photo et reste au shutter. Caméra FaceTime fonctionne, problème récurrent sur les forums. Il y en a... J'ai pas été capable d'y répondre. Ben j'y ai répondu, j'ai demandé plus de détails, mais il m'a pas répondu. OK. Fait que, d'après moi, Si l'appareil, si la FaceTime fonctionne, ça doit être juste la caméra frontale du FaceTime là, qui parle comme ça. Mais si le shutter de l'appareil, l'appareil photo de l'autre côté, la vraie appareil photo reste sur le shutter, c'est que d'après moi, la caméra elle a un problème. D'après moi, l'œil ne veut pas s'ouvrir. La communication se fait peut-être mal avec le système. Peut-être, ou l'œil, tu sais, l'objectif ouvre pas en tout, là. La première chose que je tenterais, et monsieur Pion a probablement fouillé un peu sur Internet, parce qu'il nous dit que c'est un problème qui est récurrent sur les forums. J'imagine qu'une des... Pion, on n'a pas honnêtement fouillé, mais j'imagine qu'une des pistes qui est... En fait, un des trucs que vous pouvez faire au départ, c'est probablement d'aller dans les réglages, dans réinitialisation, et peut-être faire une réinitialisation de l'appareil. Soit au niveau... on en avait parlé, il y avait un autre truc qui ressemblait à ça, qui était au niveau réseau pour ce qui est de la réinitialisation, mais il y a un autre, réinitialiser tous les réglages, effacer contenu et réglages, le dictionnaire, l'écran d'accueil, puis alerte de localisation. Si vous faites réinitialiser tous les réglages, il y a peut-être une possibilité qu'il y ait un nettoyage qui soit fait au niveau d'une cache quelconque ou quelque chose comme ça, et ça pourrait peut-être aider. Si vous l'avez déjà fait et que ça ne fonctionne pas, moi, ce que je vous suggérerais, c'est de vous présenter à un Apple Store après avoir pris un rendez-vous, bien entendu, et aller voir un Genius avec ce problème-là. Votre téléphone étant un iPhone 4S, c'est certain que ça va être remplacé. L'appareil est évidemment encore sous garantie. Donc, puis si c'est un problème qui est récurrent, qui est provoqué peut-être par un problème logiciel, ça va probablement être patché dans les prochaines versions. Ouais, aussi, il y a une autre affaire que je suggérerais aussi, c'est de restaurer son téléphone et d'essayer la caméra du téléphone à blanc. Tu sais, aucun setting avant de remettre son backup dedans, de rouvrir la caméra. Si la caméra ne fonctionne pas encore, là, allez au Apple Store. Parce que c'est sûr que c'est un problème de téléphone. Fait que c'est pas juste votre backup qui a un problème, c'est un problème de téléphone. Fait que d'après moi, c'est l'objectif qui veut pas ouvrir. Fait que c'est vrai, c'est très pertinent à dire que la réimportation d'un utilisateur dans le iPhone peut effectivement avoir causé des problèmes. Surtout si peut-être le backup de cet utilisateur-là était fait sur un appareil un peu plus vieux, qui fonctionne peut-être pas tout à fait de la même manière et qui, à ce moment-là, est importé dans un nouvel appareil. Donc, les bobos qu'on s'était peut-être rendu compte, mais qu'on mettait ça sur le compte de la vieillesse de l'appareil, sont importés dans le nouvel appareil, là. Donc, souvent, effectivement, faire une réinstallation totale, partir avec un iPhone vanille et puis bâtir à partir de ça. OK. C'est bon. Excellent. Puis on l'a dit, ça allait être un show plutôt court ce soir parce que on a un auditeur, un irréductible, monsieur Éric Paquin, qui est avec nous, qui semble pas avoir trop de questions, qui est juste là pour chiller avec nous. D'ailleurs, si tu veux poser des questions, vraiment n'importe quoi. N'importe quoi, c'est pas là. On prend n'importe quoi. Oui, ouais, effectivement. C'est l'ampoule qui a juste ici en haut de la section chat et tu peux poser ta question là-dedans. Pourquoi tu peux pas la poser dans le chat? Ben, c'est parce que c'est un petit gizmo qu'il y a dans Vocal. On peut afficher la question dans un effet visuel digne des plus grands blockbusters d'Hollywood. Ou bien poser la question en vidéo aussi. Ah oui, on n'a jamais eu. Oui, on a eu une à un moment donné. Tu sais, quand on avait fait le podcast à la mort de Steve Jobs, la madame qui était venue nous parler en direct. Ben, il y avait Monsieur Lessard qui était venu. Oui, il y avait Marc Lessard. Oui, il y avait Benoît Mercier. Il y avait une madame aussi. Ah ouais. Oui, il y avait une madame qui était... Ah oui, il y avait Diane Bourque qui est venue. C'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'était plus pour participer que comme question. Mais c'est la seule fois. Puis en fait, on s'accroche à la plateforme Vocal en espérant que les gens reviennent nous poser des questions de façon de façon vidéo. Ouais. Bref, pour la dernière question qu'on a cette semaine aux amateurs de Mac, bonsoir, c'est... On a une question. Éric Paquin nous en a posé une. Oh yeah! Je vais la faire apparaître. Excellent. Que pensez-vous du hack Siri sur iPhone 4? Je vais répondre. Oui. C'est de la grosse chenoute. Il fonctionne. OK. Mais c'est de la grosse chenoute parce que les informations que vous prenez de votre téléphone et que vous dites à Siri ne s'en va pas automatiquement chez Apple. Il passe par un proxy qui est sur les ordinateurs de cette personne. C'est un Français, je pense, qui ont fait le hack. Ça s'appelle iSiri, je pense. iSiri, OK. Ouais. Fait que ça s'en va dans son ordi par son proxy qui retourne chez Apple. Mais l'information que vous demandez à Siri, que ce soit appeler à Alexis ou envoyer un email à Bernard, va se ramasser dans son ordinateur à lui. Mais lui, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire avec ça. On en parlait dans le podcast de Mac Québec, le Carrier IQ. C'est à peu près la même chose. Mais là, ça, c'est pire parce que c'est une personne qu'on ne connaît pas. On ne sait pas c'est qui. Fait que je l'ai essayé. Il fonctionne. Ça fonctionne super bien. Avec les serveurs d'Apple, là, tout fonctionne. Mais je l'ai désinstallé quand j'ai vu que les proxys étaient... on ne savait pas trop qu'est-ce qu'il faisait avec ça. Fait que moi, je le déconseille. Là. C'est pas... attendez qu'il y ait vraiment quelqu'un qui trouve la solution, là. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, vous autres. Non, je pense que ça a pas mal fait le tour. Moi, ce que je voulais dire, en fait, c'est que ce que j'ai compris, c'est que c'est un petit peu plus lent que les requêtes provenant du iPhone 4S, qui, évidemment, lui, est connecté au serveur de Apple. Siri, c'est une plateforme qui est bêta, tu sais. Donc, sur l'iPhone 4S, c'est des tests qu'ils sont en train de faire. On est, en fait, toute une gang de petits hamsters pour Apple. On teste ça. Pour ce qui est de ce monsieur qui a un proxy, comme tu l'as dit, on ne le connaît absolument pas. Tu sais, comme au minimum, quand c'est une compagnie ou comme Carrier IQ, c'est directement une compagnie. Quoique, moi, ça ne me sécurise pas plus deux secondes. Là, non, c'est sûr. Que ce soit une compagnie qui le ramasse, mais il y a quand même ça. Par contre, la technologie qui est utilisée en arrière, c'est Siri Proxy. Et on a vu des belles choses se faire avec ce logiciel-là, qui, je pense, peut s'installer sur un ordinateur à la maison, si je ne me trompe pas, au niveau de Siri Proxy. Et il est possible de faire d'utiliser ça, en fait, pour à peu près n'importe quoi. Ah ouais. C'est-à-dire tout ce qui est un module qui peut demander une activation, par exemple en domotique, par exemple en démarrage de véhicule, peut se servir de Siri à ce moment-là. Voilà. On a une autre question? De Rodolphe Bruno. Ouais. Est-ce qu'il y a encore possible de changer la batterie de mon iPod première génération? Est-ce que c'est par vous-même ou vous allez la faire changer par Apple? Parce que si c'est par vous-même, il y a des solutions que vous pouvez trouver chez iFixit.com. Ils démontrent comment changer la batterie. Ou parce que c'est sûr que iPod Touch première génération, c'est plus garanti. Puis c'est ça. Fait que il faudrait que vous checkiez. Si vous êtes assez confiant en ouvrant votre iPod Touch, allez-y fort. C'est sûr que première génération d'iPod Touch, c'est à quoi? C'est à 6 ans, ça? C'est à combien de temps? Attends, les premiers iPhones, moins 6 mois. Donc 4 ans. Ouais. Fait que c'est ça, mais allez-y, si vous êtes assez confiant de comment ouvrir votre iPod Touch, allez-y. C'est sûr que faut vous connaissiez ça un peu. Sinon, vous pouvez aller chez Apple, mais là, ils vont vous charger le prix. Là, moi, j'ai peut-être une autre suggestion. Est-ce que vous êtes à Montréal? On va attendre la réponse de Rodolphe. Oui. Excellent. Donc, il y a sur la rue Sainte-Catherine, pas très loin de la rue Saint-Laurent, dans ce qu'on appelle le Red Light. En fait, un immeuble juste en face du Métropolis. Au deuxième étage de cet immeuble-là, il y a une entreprise qui s'appelle Zone Accro, qui est une entreprise qui fait de la réparation de plateformes de jeux vidéo, de consoles de jeux vidéo. Et depuis quelques années, ils font aussi la réparation de iPod, iPod Touch, iPhone, iPad. Et eux sont en mesure, sont connectés avec des fournisseurs qui sont en mesure de leur fournir des pièces. Maintenant, un iPod Touch, c'est quand même relativement vieux, mais on s'entend que c'est un appareil qui peut encore rendre de fiers services, entre autres pour aller chercher ses emails, tout ça. Est-ce que tu as pu le mettre à jour jusqu'à la version 2 ou la version 3 de l'iOS? Est-ce que tu as le App Store dessus? Tu peux installer des applications. Donc, ça, c'était avec iOS 2, si je me trompe pas. Version 3. Donc, c'est un appareil qui peut encore rendre de fiers services. Ça vaut peut-être la peine, justement, de pas le jeter. Mm. Ou si, par exemple, c'est pour la revente. Oui, Bernard? 60 Sainte-Catherine-Est. OK. Puis si je me souviens bien, il y a un magasin de queue de castor au bas. Oui, effectivement, c'est une crèmerie. Une crèmerie avec queue de castor, tout ça. Puis c'est un édifice qui est tout mince. Puis on grimpe au deuxième étage. Et ça fait longtemps qu'ils sont là. Et je pense qu'ils mod-chippaient les PlayStation 1 à l'époque. Effectivement. Et faut monter au deuxième étage. Bonne chance pour ça. L'escalier est un des plus à pic que j'ai jamais vu de ma vie. Mais les gens qui sont là sont très compétents. Martin, qui est là-bas, d'ailleurs, à qui je parlais il y a quelques jours, ils sont très gentils. Puis, c'est pas des gens qui bullshit. Là. S'ils sont capables de le faire, ils vont vous le dire. Ils ont de l'expérience. Et puis, c'est quelque chose que je suggère. C'est quelque chose que je suggère parce que c'est correct d'aller faire réparer ces anciens appareils puis de ne pas les sacrer au vidange puis d'essayer au moins d'étirer la sauce un peu. On sait que l'appareil a une fin de vie calculée. D'ailleurs, un iPod Touch qui a 4 ans de première génération, c'est quand même le dernier. C'est comme si quelqu'un vivait jusqu'à 102 ans. Là, Mais sur iFixit, effectivement, ils vendent encore la batterie. Okay. Mais cette génération-là, il faut faire une petite soudure au niveau du logic board. Il faut décapsuler. Donc, c'est solide là, comme réparation, effectivement. Donc, c'est pas fait pour tout le monde de changer une batterie de ce modèle-là. Ça, on peut risquer de faire des courts-circuits ou bon. Si on est habitué d'en faire de la soudure, pas de problème. Mais il faut quand même déboîter l'appareil puis refaire des soudures. C'est peut-être pas donné à tout le monde. Donc, peut-être d'aller voir plus des spécialistes. Je vais utiliser la capacité que j'ai d'être bilingue car je suis dans le plus grand meilleur pays du monde et je vais switcher à l'anglais. Hello Andrew Sholokhian, who is a vocal staff and he's with us right now. We speaking French. You might not understand everything that we said. We're question answer show about Apple product and we broadcast here in Quebec, so welcome and enjoy. Je vais switcher au français. Parce que Andrew, ce qu'il m'a parlé dans le chat du staff, c'est qu'ils font une maintenance dans une demi-heure, fait qu'il faut arrêter avant 1h30. Sinon, ils nous coupent. OK. Je vois pas ça, moi. Comment vous faites ça pour voir ça? Si tu vas en bas dans le truc de chat, les trois petits personnages, tu regardes la liste des gens qui sont en ligne. Puis un des problèmes sur le système, c'est que s'il y a des gens qui se rajoutent, tu es obligé de faire un refresh. Fait que tu as la petite spirale, puis il va apparaître. OK, ouais, c'est ça, je pense. Parce que je le voyais pas. OK, là, je le vois. Mm. OK. Bon, est-ce qu'on passe à la dernière question? Ben oui. On a quand même fait... en fait, je ne sais pas parce que j'ai juste laissé le premier show s'enregistrer. Fait que j'ai 3 heures de, de, d'enregistrement non-stop. Là, OK, tu n'as pas arrêté pantoute. Okay. Non, c'est ça. Okay. Pour être sûr, là, le show commençait, j'étais là, si j'ai oublié, non. pourquoi est-ce que... La question, c'est pourquoi est-ce que Mel, dans Mac OS X Lyon, quand on fait envoyer, recevoir des messages... pourquoi envoie-t-il des messages lorsque je n'envoie pas de courriel? Donc, pour expliquer un peu, là, c'est dans le mail, vous avez une petite fenêtre dans le bas. Et cette fenêtre-là, il y a de l'activité à l'intérieur de ça. Même si vous êtes en train simplement de peut-être rédiger un email, peut-être que vous venez de lire une section de mail qui vous a été envoyée. Pourquoi ça fait ça? Eh bien, la personne est fort probablement configurée en IMAP. Et le IMAP, en fait, c'est une des deux grandes technologies au niveau du... il y a trois technologies majoritairement utilisées au niveau du email. C'est donc le POP, le IMAP et les serveurs Exchange. Les serveurs Exchange sont habituellement utilisés plus dans des grandes entreprises pour synchroniser que ce soit le courrier, le calendrier ou le carnet d'adresses. Ça nécessite évidemment l'installation d'un serveur Windows Server 2008, 2000 quelque chose. Et c'est une infrastructure qui est quand même assez lourde, alors que la tendance est plus à envoyer ça dans les nuages. Il y a de moins en moins de serveurs qui sont installé et la plateforme Apple est la première touchée parce que au niveau du sérieux de Apple en matière de serveurs, là, on l'a vu dernièrement avec l'abandon de certains produits. Bref, c'est pas là qu'on s'en va. Ce qu'on veut expliquer, c'est que la technologie POP fonctionne un peu comme une boîte à mal, mais de façon standard. C'est-à-dire que moi, ici, mes courriers sont mis par le facteur dans une boîte où je dois me rendre, prendre les courriers et les ramener à la maison. Ça fonctionne comme ça pour un compte configuré en POP dans votre ordinateur. Si, par exemple, vous avez deux unités, deux ordinateurs ou un ordinateur et un autre appareil comme un iPhone, le défaut du compte POP, c'est que quand vous allez avoir pris les emails une première fois, ils ne seront donc plus dans votre boîte. Ce qui fait que si par exemple votre femme va à la boîte à lettres et que vous êtes déjà passé, il n'y a plus de courrier dans la boîte à lettres. Donc, pour pallier à ça, vous avez la possibilité de dire à votre compte POP de laisser une copie des courriers que vous avez dans la boîte à lettres. Mais ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que quand votre femme va y aller, elle va avoir le bonheur d'avoir les courriers, mais elle ne saura absolument pas si vous les avez traités. Donc, est-ce que vous avez jeté les circulaires? Est-ce que vous avez répondu à l'invitation au mariage de votre beau-frère? Ça fait que vous recevez aussi le courriel en double. Donc, en termes de bande passante, là, c'est ridicule, mais sur une année au complet, ça commence à être important. C'est de la ressource, en termes de téléchargement et tout ça. Donc, vient le IMAP, qui, lui, est plus un appel qui est fait à votre boîte à lettres. C'est un appel que je pourrais dire fait au bureau de poste. Donc, le bureau de poste s'occuperait de votre courrier. Il le reçoit, il le stocke, il le classe, il le range et vous pouvez appeler puis avoir en direct par le téléphone là-bas, vous appelez puis vous dites « Hey, lis-moi mon courrier. » Puis il dit « Ah oui, tu as reçu de telle publicité. Ah, jette ça au vidange. » Puis tu as eu une invitation au mariage de telle affaire. OK, prends en note, là, je vais répondre de tel truc. Et puis là, Tu t'en vas, tu viens de répondre avec ton MacBook Pro à ces courriels-là en IMAP. Puis là, tu t'en vas sur ton iPhone. Puis là, tu ouvres ton iPhone puis tu lui dis « Hey, téléphone à mon compte au bureau de poste. » Puis là, le gars, il va te dire « Oui, courrier, tu veux savoir? » Puis là, il ne te lira pas parce qu'en premier lieu, tu as jeté le spam, tu as jeté les cochonneries que tu avais dans ton compte, donc il ne te le mentionnera même pas. Puis il va te dire « Puis là, tu vas lui dire, OK, il y a un courriel pour le mariage. Puis là, il va te mettre la petite flèche. Il va te dire, tu as déjà répondu à ça. Puis là, tu vas faire, ben oui, c'est bien trop vrai. J'ai déjà répondu à ça. Je t'ai appelé il y a une heure. Puis ma petite flèche est là. Donc, ça fonctionne comme ça. C'est un peu la métaphore qu'on peut utiliser pour parler de IMAP et de POP. Mais quand on est en IMAP, ça veut donc dire qu'il y a des appels qui sont faits au serveur. En fait, l'appareil, peut-être aux 10, aux 15 minutes, tout dépendant comment ça a été configuré, soit de votre côté, soit du côté du fournisseur du service IMAP. En fait, votre appareil fait des appels, puis il regarde, puis il dit « Hey, j'ai-tu des trucs de nouveau? Y a-tu une synchronisation qui est faite? » Puis chaque geste que vous allez faire, c'est-à-dire peut-être de prendre un email, le classer dans un dossier, des trucs comme ça, si c'est configuré encore une fois en compte IMAP et non pas « on my Mac », c'est-à-dire sur votre ordinateur, bien, à ce moment-là, c'est toute cette information-là qui est synchronisée, en fait. C'est comme une synchronisation. C'est bien pratique. Ah oui, ça, c'est merveilleux. Donc, ça explique. C'est l'analogie que j'utilise tout le temps pour expliquer. Puis le monde, à la fin de ça, ils font OK, fait que qu'est-ce qu'on fait pour que je passe à IMAP? Ben, on ouvre un compte Gmail habituellement. On le configure dans un client mail. On prend les emails, puis on les jette dans le compte. IMAP. Ce que je trouve, j'ai pas trop essayé, mais je pense que le mail sur 10.7 est comme plus ami avec Google, puis va bien fonctionner. Avant, il fallait refaire des configurations, ouais. Fallait dire que la poubelle, puis le junk, des trucs comme ça. Non, ouais, il est bien implémenté, le IMAP de Gmail, dans la nouvelle version là, Mail. Là. Ce qui est intéressant aussi avec un truc comme ça, c'est que si je fais des envois de courriel à partir de mon ordinateur, ben quand je vais dans le dossier Send sur mon autre appareil, ça aussi, ça a été synchronisé. Donc, je suis capable de voir, j'ai envoyé telle information à quelqu'un, je veux la récupérer. Ah oui, je l'ai envoyé par email, fait que je vais aller voir dans mon dossier Send pour la récupérer. iCloud aussi le fait? Oui, effectivement. Ben, iCloud, en fait, c'est du IMAP Exchange façon Apple. Oui. Il y a aussi, quand tu es dans ton iPhone, tu peux le configurer de deux façons, ton compte Gmail. Tu peux le configurer en IMAP, comme on vient de l'expliquer. Ouais. Mais il y a aussi une fonction, une autre possibilité, c'est le Gmail Exchange. Effectivement. Je ne sais pas si ça a un rapport avec le Exchange de Microsoft. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça? Oui, c'est vraiment ça. C'est une licence ActiveSync qui a été achetée par Google et eux la distribuent à tout le monde. La différence entre les deux va être au niveau de la gestion, je pense, des calendriers majoritairement. Exchange, au niveau de la transaction de données, est peut-être un peu plus fiable que IMAP parce que IMAP, ça fonctionne bien. Jusqu'à temps que ça fonctionne mal. C'est ça. Puis quand ça fonctionne vraiment, vraiment mal. Et Eric, dans le chat, nous mentionne effectivement que Hotmail, depuis quelques temps, offre... Depuis la version 5 de iOS. Oui, offre effectivement du IMAP, si je ne me trompe pas. Puis il l'offre en Exchange aussi, non? Oui, tu peux faire les deux. Tu peux faire les deux. Voilà. Ouais. Ouais. Oui, c'est comme Gmail, là. C'est comme l'adresse du IMAP. Oui, exactement. C'est celle-là pour Hotmail. Puis celle pour Gmail, c'est m.google.com, l'adresse de serveur que vous voulez rentrer dans votre téléphone. Excellent. Je pense que, par contre, ils font automatiquement un peu à la façon de Lyon maintenant. Je ne sais pas si vous le saviez, c'est une des petites fonctions de Lyon. Si en ouvrant ton nouvel ordinateur que tu viens de recevoir avec Lyon, tu t'en vas sur gmail.com et que tu te logues dans Safari là, pour l'interface webmail, l'appareil va détecter que tu es en train de te connecter à ton compte courriel, tout ça, et il va te demander si tu veux ajouter cette configuration-là dans tes comptes mail, ce qui fait que, en fait, c'est la façon la plus simple de configurer un compte Gmail sur, euh, sur Lyon, c'est d'aller sur le site web et non pas de rentrer le SMTP, le serveur sortant, le serveur entrant, SSL, tout le kit. Tu te connectes, puis ça se configure presque, majoritairement, automatiquement. Oui. Finalement, en fait, avant de vous quitter, je voulais vous partager un petit outil très intéressant que j'ai trouvé cette semaine. C'est un petit truc, je pense que j'ai trouvé ça sur Macworld. Et ça s'appelle Wi-Fi Diagnostic. C'est un outil qui est fourni par Apple dans le système d'exploitation Lyon. Depuis Lyon. Et c'est vraiment pratique quand vous êtes dans une atmosphère Wi-Fi qui répond bizarrement, qui fait tous les temps. Chez Macworld, il expliquait comment l'utiliser pour savoir à quel point d'accès vous êtes connecté. Par exemple, si vous utilisez une AirPort Express comme relais pour une connexion d'un AirPort Extreme, puis là, vous dites, hey, attends, j'ai des problèmes de connexion, mais je veux savoir est-ce que je suis connecté au node de relais, donc au AirPort Express, ou je suis connecté au AirPort Extreme. Cette application-là est un petit peu compliquée à trouver. Je crois qu'elle se retrouve dans librairie, non, dans système. Dans System Core. System Core, hein, c'est ça? Ouais. Donc, ils connaissent. Peut-être dans système. Donc, dans librairie. Disque dur. Disque dur. La librairie, elle n'est plus affichée, je pense. Hein? Non, c'est pas ça. Il faut que tu ouvres ton disque dur. OK. Tu vas dans système. Oui, c'est ça. OK. Librairie. Core services. Puis là, c'est le, je pense que c'est le dernier en bas. Oui, c'est ça. C'est le dernier en bas. C'est Wi-Fi diagnostic. OK. Fait que vous cliquez là-dessus, puis vous avez l'application. Ça permet en fait de différentes choses. Ça permet de monitorer les performances, d'enregistrer des événements, de capturer des frames d'envoi, puis de mettre le mode debug, d'avoir les logs du mode debug à on. Donc c'est sûr que faut savoir un peu comment interpréter ce genre d'informations-là. Mais si vous avez des gros soucis Wi-Fi, ça peut être une piste. Et puis, vous pouvez trouver sur Internet là, comment l'utiliser plus en détail. Et il y a même le bouton « Learn more » en bas qui doit vous en expliquer une partie. Puis, les gens qui ont le système d'exploitation en français, ça va être « Diagnostic du Wi-Fi », toujours dans le dossier « Core Services ». Puis, tant qu'à y être, il y a Diagnostic Réseau aussi, tout de suite en dessous. Mmh. Donc, ouais. Excellent. Oui. Donc, je voulais juste finir. J'ai eu un flash dont on n'a pas parlé pendant le podcast Mac Québec. J'aime bien, c'est presque un running gag entre moi et Bernard. Bernard, est-ce qu'il y a des bundles cette semaine? Oui, il y a des bundles. Ben, il y a le Mac Legion qui est toujours là pour 4 jours. Pas très populaire. Ils n'en ont pas vendu ben. Mais Mac... Les trucs qu'ils donnent avec, c'est ridicule. Là, oh, ils donnent rien. Oh, ouais, c'était rien de connu, là, tu sais. Il y a des gens qui l'auront dit. Il y a Mac Update qui vient d'en sortir un. Si je ne m'abuse, oui. Ouais, acheté. Tu l'as acheté en fin de compte, Alexis? Je l'ai acheté. Il y a Tech Tool dedans. Puis je me disais, à 49$ pour Tech Tool, c'est quand même très bien. Je l'ai aussi pris pour Total Finder. Donc, j'ai pas, c'est très stable. Tout ce que ça fait, c'est rajouter des onglets au Finder. Et tu peux lui mettre un raccourci clavier qui va automatiquement te créer comme 2 fenêtres, une à côté de l'autre, pour transiger des données là, entre un et l'autre. Là. Mettons, tu veux faire du transfert manuel de données sur un disque dur externe. Ça va super bien. J'ai pas installé, je voulais installer le FontPack Pro Master. Puis j'ai installé Posebox, mais je ne l'ai pas ouvert. Il y a Back in Focus là-dedans qui semble vraiment un outil puissant. On a eu il y a quelques semaines un exemple. En fait, il y a une vidéo qui est sortie sur YouTube que Photoshop allait mettre dans la prochaine version, fort probablement, où ils sont en train de travailler sur une technologie qui empêche, en fait, qui restaurait les photos qui sont devenus flous, probablement à cause d'un mouvement pendant la prise de vue. Le blur. Et Back in Focus, je pense, fait un peu... Non, c'est pas vrai. Back in Focus, c'est si le focus a mal été fait lors de la prise de vue. Exact. Ça peut rétablir. C'est un outil qui semble très puissant. C'est un peu rébarbatif à prendre en main, mais c'est en mesure de réparer des photos. Moi, j'ai une photo de ma fille qui est extraordinaire, mais qui n'est pas au focus. L'image, le cadre, la prise de vue, tout le kit est super bon, mais la photo en tant que telle n'est pas au focus. Donc, à ce moment-là, j'essaie de la restaurer avec Back in Focus. Puis, dans les annotés, ben, il y a Neverwinter Night 2, qui est un excellent RPG, mais qui a quoi, 7, 10 ans? À peu près, oui. Ouais. Qui est très vieux, qui est fourni dans le bundle. Et il y a Folder Synchronizer. Donc, s'il y a des gens qui se disent « Ah, moi, mais j'aimerais ça avoir, comme ce qu'il y a dans un dossier, j'aimerais ça l'avoir automatiquement dans un autre dossier », mais Folder Synchronizer est en mesure de faire ça. Oh, ça peut faire des backups automatiques, finalement. Voilà, voilà. Ouais. Donc, synchroniser. Moi, j'ai deux disques backup, un de sécurité puis un de sécurité. Ouais. Ça peut être bien de synchroniser deux disques backup ensemble. Moi aussi, j'en ai deux. Un dans le coffre puis un dans ma time capsule. C'est voilà. Ça, exactement. Ouais. Ce que j'attends avec impatience, je ne sais pas quand est-ce qu'il sort, je ne sais pas si on est de nouvelles, mais le Macaste, habituellement, est un des bundles qui est le plus généreux. Est-ce qu'on sait quand est-ce que ça... Écoute, ils ont passé une année. Ça fait longtemps qu'ils ont fait quelque chose. La seule affaire, ils ont fait une espèce de petit jeu avec une compagnie pour donner un logiciel, mais c'est la dernière fois qu'on a vraiment entendu parler d'eux autres. Wow! Ça fait bien longtemps qu'ils ont sorti de quoi d'intéressant. Peut-être parce qu'il y a eu beaucoup de concurrence de d'autres. Puis Mac Legion n'existait pas et à un moment donné, il est apparu. Je pense qu'il a pris un petit peu la place. Mais malheureusement, le dernier, il est faible. Tu sais, c'est pas tout le monde qui apprécie ces logiciels-là. Donc, on voit pas l'utilité. Il y en a beaucoup, hein, de bundles. Puis généralement, je les trouve plus ou moins intéressants. Ceux de Mac Update sont généralement intéressants. Moi, celui-là, il est un peu moins parce que je l'ai déjà, Tech Tool, je l'avais déjà acheté dans un autre bundle. Okay. Donc, bien souvent, les mêmes logiciels vont revenir dans des bundles. Ouais, c'est ça. Et bien souvent, c'est des logiciels, la version est en fin de vie. Il va peut-être, dans 6 mois, avoir la nouvelle version. Donc, comme tu es déjà dans la banque de clients de la compagnie, tu vas te faire offrir un upgrade. Une mise à jour, voilà. Parce que le Tech Tool, la version qui vient avec le bundle, je pense qu'elle date du mois d'août. Fait que d'après moi, la version peut-être 7, peut-être, là, va sortir peut-être au début de l'année prochaine. Là, oh, fait que... je pense qu'il se restreigne quand même. C'est un logiciel qui est très, très vieux. Si je ne me trompe pas, c'est comme Tech Tool 3 ou 4 qui était fourni avec les garanties prolongées d'Apple pendant un certain temps. Ils ont sorti 5 qui me semblent effectivement avoir eu une durée de vie un petit peu plus courte. Puis la 6, moi, je l'avais pas vu passer, mais je me disais que c'est la version quand même assez courante. Voilà. C'est un utilitaire Tech Tool là, pour trouver les problèmes dans votre ordinateur, peut-être faire un certain nombre de choses de maintenance aussi sur le disque dur de votre appareil. Oui, c'est ça, exact. Comme Drive Genius. Un peu, effectivement. Ouais. En fait, on est en train, c'était le last call, on est en train de se faire éjecter. Ouais. On va se faire kiber tôt, là. Oui, là, il faut sortir parce qu'il y a de l'entretien à faire. Les gars d'entretien, ils attendent, là, avec. Ils veulent qu'on quitte parce que ça fait 2 fois qu'ils me parlent, là. Fait que... Parfait. Donc, okay. Ben, on vous dit salut. On va donner un salut spécial à M. Paquin qui est resté avec nous et qui a tenu le phare. Donc, ben, au plaisir de vous voir, monsieur Paquin. Okay, bonne soirée tout le monde et à la prochaine. Salut les gars, on se revoit la semaine prochaine pour un autre. Les amateurs de Mac, bonsoir. Bonsoir.